Je cours le long des corridors en fuite. Je cours encore pour autant que l'on m'évite. Le petit bout du bout du monde, ce long couloir ne veut pas s'asseoir. Étoiles filantes, plus souriantes, une lune aigrie par des rayons gris. La faute à qui? Ce petit jeu en brûle encore nos derniers vœux. Où est parti mon petit repère qui laisse entrer les courants d'air? Un peu d'argent dans les fontaines, c'est pas urgent, mais faut que ça traîne. La poudre aux yeux, la haute cour.